la nuit des temps, l'international de la danse. Marvin. Oh Marvin, Marvin, au Japon. Et nous allons faire ce soir une émission très japonaise. Le 15 mars 1999 disparaissait Shinji Sato, génial chanteur et compositeur du groupe japonais Fishmans. Il est aussi unique par sa voix et sa présence scénique qui ne tenait que sur un fil. Du dub à l'ambiance jusqu'au fantastique album concept Long Season, les Fishmans font danser et bouleversent à la fois. Deux esprits complètement différents se rencontrent dans leur musique. Nous sommes toujours à Tokyo, mais cette fois en 1993. One more time. Allen. Allen. He's a villain. He's a villainous person. John Carroll Kirby est un pianiste, un arrangeur, un producteur et un compositeur de Los Angeles. Il a collaboré avec des artistes comme Solange, que l'on adore, c'est la sœur de Beyoncé, Frank Ocean, Conan Mocassin ou encore Miley Cyrus, et c'est dire si son terrain de jeu est large. Et puis il compose pour lui aussi. Une musique très très cool, profondément côte ouest, un brin new age et un peu barré, mais toujours avec un cœur groovy qui nous ravit. Nous sommes en Californie en 2022, John Carroll Kirby. Plongeons, nageons, planons dans l'immense et infini Dawn of New Day. Linguistique à Londres, Stéphane Leloff et Sébastien Bouy, tous deux originaires de Genève, bricolent des sons dans leur chambre d'hôtel. C'est dire s'ils devaient s'emmerder là-bas. À leur retour, ils reviennent avec leur son et son tour de musicien. Et les voilà partis pour du groove rétro-futuriste. Nous sommes en Suisse, nous sommes en 2021, et voici l'éclair. La nuit des temps, l'international de la danse. Retour au Power Play de la semaine avec le groupe japonais Les Fishmans. Go Go Round This World est leur premier maxi single. Nous sommes toujours à Tokyo et cette fois en 1994 avec l'extraordinaire voix de Shinji Sato. Yeah. Comment ne pas être bouleversé par la disparition terrible ce week-end de Ryuichi Sakamoto, le taulier de la pop et de l'électronique japonaise, dont on connaît beaucoup ses bandes originales de films, peut-être un petit peu moins son premier groupe qui s'appelait Yellow Magic Orchestra. Nous sommes en 1982. La pochette est sublime, fond vert turquoise et Haromi Osono, Yukishiro Takahashi et Ryuichi Sakamoto portent des petits polos en coton coloré. Ils sont merveilleux de fraîcheur et de détermination à vouloir changer le monde de la musique. Nous sommes donc à Tokyo au début des années 80. Oui, on est bien avant ChatGPT. Et les années numériques commencent. Radio Dio. Fantastique Sakan Action. Les géniaux Sakan Action. Pas de Sakamoto, pas de Sakan Action. Mais au prix du billet d'avion et sans compter la pollution, eh bien je vous propose de rester encore un tout petit peu dans les clubs de Tokyo. Voici les Yoji New Waves. Et nous sommes en 2021. Restez bien avec nous parce que tout à l'heure à 21h, vous retrouverez, comme à la radio Dio, l'homme avec ses machines électroniques et en live. Mais nous, on reste encore au Japon, tiens. Et le jazz et le hip-hop japonais sont absolument passionnants. Comme souvent, les musiciens se tournent vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Afrique, même vers l'Inde, pour puiser dans toutes les sources sonores et en faire une tambouille absolument unique. C'est le cas des Special Overs. Ils ont beaucoup écouté Pat Metheny et le jazz américain des années 80. Plus américain que les Américains. Plus direct, plus simple, car ça va à l'os et dans la chantilly. Voici ce qui pourrait être un chef-d'œuvre absolu. Morceau que n'auraient même pas renié les Daft Punk s'ils avaient fait juste de l'acoustique. Voici Lauren Tech, les Special Overs. Et nous sommes en 2008. La nuit des temps, l'international de la danse. Special Overs, et ça s'appelle Lauren Tech. C'était pratiquement, pas tout à fait, pratiquement le dernier morceau, l'avant-dernier morceau de cette nuit des temps que nous allons refermer avec Nujabes. C'est un immense producteur japonais qui est disparu à 31 ans en 2010 suite à un accident de voiture sur l'autoroute de Shuto, et c'est en plein cœur de Tokyo. Alors non seulement c'est l'un des grands contributeurs au hip-hop japonais, mais il a eu une influence majeure en mixant tous ses sons hip-hop avec le jazz, et le tout avec une immense douceur. Ce soir, dans la nuit des temps, nous avons eu le bonheur de recevoir Kinyuki, qui était comme en direct du Japan's Disco Rainbow Club Festival, en powerplay cette semaine, les Fishmen, avec son chanteur, lui aussi malheureusement disparu, qui a une fin tragique, il était malade, et ça donnait en concert des choses extrêmement fortes, comme s'il chantait à chaque fois la dernière fois. John Carroll Kirby, avec Lara G, sur le titre que l'on a écouté, ça c'était pour faire danser New Age. Le groupe L'Éclair depuis Genève. Ryuichi Sakamoto, bien entendu, disparu ce week-end, et à qui on fera un hommage la semaine prochaine avec une intégrale Sakamoto et Yellow Magic Orchestra. Toujours à Tokyo, nos amis de Sakan Action, les petits-enfants de Sakamoto, Yoji New Waves, les Special Lovers et maintenant Nujabes. tout doucement les portes de notre bon vieux club, la Nuit des Temps. La Nuit des Temps qui est également ouverte le jour en podcast sur le site de Radio Duo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions précédentes. Et puis vous pouvez également suivre la programmation sur Instagram à la Nuit des Temps 2. Tout à l'heure, un peu après 21h, le temps d'installer ces machines, vous retrouverez, comme à la Radio Duo et toutes les expérimentations sonores, comme un immense trip pour nous amener tout doucement, non seulement vers la nuit stéphanoise, mais vers le printemps, l'été. Rendez-vous la semaine prochaine. 21h sur le 89.5 en direct. Et puis on va faire un dernier titre bonus, on va pas se quitter comme ça, avec Sonra, juste après Nujabiz. Très belle nuit, très belle soirée à vous, restez sur les bonnes ondes de Duo. À la semaine prochaine, salut! Thank you.